بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في درس الماضي أخذنا ماذا؟ الرؤية. نعم. هذه الرؤية لمن؟ المؤمنين. اي كنت اسكي لوغا ليو؟ في موضعين، في يوم القيامة وفي الجنة. في عرصة القيامة وفي الجنة. نعم. الكفار لو فيرون؟ لا. Et après, il avait un mas'ala. Et au pire, même s'il le verrait, il ne le verrait pas d'une vision d'agrément. Car c'est la plus belle chose à voir. Comment leur serait-il accordé de voir cela, après tout le mal qu'ils ont fait? طيب, ندخل الآن في فصل القضاء والقدر. القضاء والقدر. On a déjà parlé également dans Tadmouria. Donc on va passer brièvement ce qui touche au destin. طيب اولا ce qadar يعلم منه من اركان الايمان الست parmi les six piliers de la foi qu'il est obligatoire de croire comme قال النبي صلى الله عليه وسلم من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. Quand tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour dernier, au destin, que ce soit bon ou mauvais, en ses messagers aussi. Donc le qadar, il faut y croire. Celui qui ne croit pas au qadar, ce n'est pas un mu'min, ce n'est pas un croyant. Et ce qadar fait partie des abobs dans lesquels beaucoup de gens sont égarés. Hassan al-Kassir, min al-Khilaf, ou hatta al-Yahoud, les juifs eux-mêmes, sont égarés dans ce bob-là. Qui sont ceux qui ont justement voulu justifier le fait de faire les ma'asi bil qadar. C'est eux qui ont commencé cela. Wa al-qada huwa hukmullah yani ma qada Allah fi khalqihi. Et souvent, on a dit que il y a des ulama qui voient que le qadar ou le qadar, c'est la même chose. D'autres disent non, le qadar, c'est avant que la chose n'arrive. Le qadar, c'est après qu'elle soit arrivée. Yani, le qadar, c'est ce qui est prédestiné. Et le qadar, c'est l'accomplissement de la chose. En fait. Wazak al-qadar wa sirullah. C'est le secret d'Allah, Azza wa Jal. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد que parmi ses صفاتs qu'il fait tout ce qu'il veut. D'accord, il fait tout ce qu'il veut. لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره. Qu'il n'y a rien qui n'ait lieu sans sa volonté, une chose qui est prédestinée et qu'il n'a rien qui sort de son contrôle. Hada yu'lam. Wa la mahida li ahadin an qad al maqdur. Et que personne ne peut savoir ce qui a été décrété à l'avance. Wa la tajawazu ma khutta fi al-lawh al-mastur arada ma al-alim fa'ilu. Wa law 'asimahum lama khalafu. Wa law sha'a an yu'tuhu jami'an la a'tau. Hadi al-huda. خلق الخلائق وأفعالهم قدر أرزاقهم وآجالهم ويهدي من يشاء وبرحمته يضل من يشاء بحكمته. Donc tout cela est déjà écrit dans l'Ouh al-Mahfouz, que tout ce qu'il a voulu pour le monde entier, et que si jamais il avait voulu les préserver, les rendre infaillibles, il l'aurait fait. S'il avait voulu leur donner à tous la guider, il l'aurait fait. Il a créé toutes les créatures ainsi que leurs actes. Et il aura chacun prédestiné leur subsistance, ainsi que leur délai, leur temps de vie. Et il guide qui il veut, et cela par sa miséricorde, et il égare qui il veut, et cela par sa sagesse. Car il sait. Et Les gens dans cette masala ont glissé pour certaines choses. Minha, Adam Taslim lil Adilla. Qu'ils n'ont pas suivi l'Adilla. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas médité sur l'Adilla. Également, ils ont fait un qiyas entre le Khaliq et le Makhlouq. Ils ont comparé la créature à la création. Ou plutôt, ils ont comparé la créature au créateur. Enfin. Donc, à Zalik, ils n'ont pas fait la différence entre les deux iradas. Qui est l'irada al-shad'iyya ou al-kouniyya. Comme cela va être cité à la fin. Donc, dans ce bab-là, sont tombés les jibriya. Ceux qui disent que le serviteur n'a aucun choix. Tout ce qu'il fait, il est contraint de le faire. Et ainsi que les Mu'tazila et les Qadariya. Les Qadariya, eux, ils disent que le abd, c'est lui qui crée ses propres actes. Que Allah n'a pas de dakhil dedans. Même il ne connaît pas les choses avant qu'elles arrivent. Haoula kuffar, bila shak. Et minhum et les Mu'tazila. Ils ont cette croyance-là. Awalan, l'iman. يعني القدر مبني على أربعة أركان كتب لي تتعلم نعم ما هي العلم والكتابة نعم العلم والكتابة كتابة المشيئة والخلق نعم que Allah il a su après qu'il l'a écrit après qu'il l'ait voulu et après qu'il l'ait créé هذه أركان القدر قال تعالى La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Qui n'est pas interrogé à propos de ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Wa qala ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose, nous l'avons créée à juste mesure. C'est-à-dire, tout est prédestiné. Surat al-Qamar. Wa qala ta'ala, khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Kazalik. Qu'il a créé toute chose et qu'à chaque chose, il a donné sa juste mesure. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسهم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Qu'il n'y a rien qui vous ait atteint sur terre ou en vous-même sans que cela ne fût noté dans un livre avant qu'il ne soit créé. C'est-à-dire cet acte. Cette musiba. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يدله يجعل صدره ضيقا حرجا. Que celui que Allah veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam, il lui fait accepter l'islam. Et celui qui veut égarer, il met une gêne dans sa poitrine. C'est-à-dire l'islam, ça le répulse, il n'en veut pas. Mais ça, كذلك, قلنا, pour ceux qui se servent de ce verset pour dire que Allah il n'a pas voulu que je sois musulman, donc je fais le kouf, on dit toi tu ne sais pas. Ce que Allah t'a prédestiné. D'accord? Tu ne sais pas. Donc toi, fais les causes, car tu sais les choses que Allah il aime, les choses qu'il n'aime pas. Donc pourquoi tu ne t'efforces pas de faire les choses que Allah il aime, plutôt que t'efforcer à faire ce qu'il n'aime pas, en prétextant que Allah il n'a pas voulu pour toi cette chose-là. En plus, on a dit la irada, la volonté des deux. C'est ce qui est shal'iyya, c'est kouniyya. Shal'iyya, il veut ça pour toi. Ma'alouf, que Allah il veut que tu sois musulman. Il le veut pour tout le monde. Comme Allah Azza wa Jalla, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. Entrez pleinement en soumission dans l'islam. Ce texte est principalement axé sur les mu'mines, lakin hatta ala matloub min al-kuffar. Car les mu'mines, beaucoup d'entre eux là-bas, c'est des kuffars. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écouté ce genre de versets, ils se sont soumis, ont accepté. وروى ابن عمر عن أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال جبريل صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. ابن عمر يغبط له في الحديث. أفضل سي عمر عفوًا. يكتب ابن عمر سي عمر. تعرف ابن عمر توصينا. C'est Omar. Mais en fait, et dans la longue version du hadith, Ibn Omar, qui rapporte ce hadith de Omar à deux tabi'ines qui étaient venus le voir pour l'interroger à propos de ce qu'il disait que Allah ne connaissait pas les choses avant leur venue. Ils sont venus faire le hajj, ils ont rencontré Ibn Omar, ils ont dit « Ba'dana siqlun le Qur'an, yaqulun an al-umur unuf » C'est-à-dire ils étudient, ils connaissent le Qur'an, tout ça, et ils disent qu'il n'y a pas de destin. Ibn Omar les a kafar. Il a dit « Kullahum anna law anfaqu misla uhud dhahaban ma qabala Allah minhum hatta yu'minu bil qadar » Que même s'ils devaient dépenser l'équivalent de uhud en or, que Allah n'accepte pas d'eux tant qu'ils ne croient pas au qadar. Et après c'était le hadith. Selon Omar, et le shahid c'est celui-là. L'imen, en tu'mina billahi, wa malaikatihi, wa kutubi, wa rusuli, wa l'yum al-akhir, bil qadar khayrihi wa sharrihi. Que tu crois au destin qui soit bon ou mauvais. Ilman, anna, que ce char cité dans le qadar, ala char fi nazarina nahnu. C'est un mal à nos yeux, pour nous. Car Allah ne veut pas le char pour la créature. Mais cependant, ce char, c'est un char qui est nisbi relatif par rapport à nous. Qu'on voit la chose comme étant un mal. Au fil haqiqa, hada shay fi hikma. À ces produits, il y a une sagesse. Elle est un bien pour toi, que tu t'en rendes compte ou pas, et pour les autres aussi également. Ça t'en prend, ça t'enseigne. Moral zalika. Peut-être qu'Allah aussi il a voulu t'expier des fautes, t'élever en degré. Peut-être que c'était un dora mazloum. Plein d'asbeb qui font qu'une chose te soit arrivée et qui te soit déplaisante. Plein d'asbeb. Et au pire, même s'il n'y a pas un sabeb yani hissi devant toi vraiment, eh ben dis-toi que probablement tu as fait des choses qui ont amené à ce que tu subisses cela aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, dès qu'une chose comme ça nous touche, une moussiba ou quoi, il se remet en question. Il essaie de voir s'il n'y a pas une chose qu'il a fait qui mérite vraiment. À la base, on fait des tawbah nuit et jour, on fait des péchés nuit et jour. Ça, c'est une chose qui est indiscutable. D'accord ? Mais alhamdulillah, on a des choses qui font que les sarayr sont effacées, comme l'ozo, comme le salawat, comme le siyam, comme le sadaqa. Plein de choses qui font que les sarayr, les petits péchés, sont effacés. Les kabaïr t'en fais aussi également. Et des fois, tu tombes dedans, tu ne fais pas de tawba. C'est une riba, tu as fait du riba. Ou, je ne sais pas, tu as fait du mal à quelqu'un, tu as été volé envers quelqu'un, relève à l'écart, et tu n'as pas fait tawba. Et tu n'en as même pas rendu compte. Mais tu l'as peut-être fait plusieurs fois, à différentes occasions. Ou autre chose, tu n'as pas été juste envers quelqu'un, avec tes parents, avec ton voisin, avec ta famille, et après, comment dire, il s'en découle ce genre de choses. Là, c'est à titre d'exemple, à peu du mal que l'on se fait à nous-mêmes. C'est un bab qui est large. Large jiddan. Al-Muhim, lorsqu'une chose comme ça t'arrive, de te remettre en question. Et de chercher. Et au pire des cas, tu fais des stirfarat amma. Tu fais stirfarat amma. Tu fais beaucoup de stirfar. Et tu demandes à Allah si j'ai fait vraiment une chose particulière par rapport à ça, que je ne m'en rends pas compte, qui te la montre. Afin que tu répares le mal que tu as fait. Donc ce hadith-là, il a été rapporté par Omar, chez Muslim, et il y a une autre version par Abu Huraira qui est Mutafakun alayhi, qui ressemble à celle-ci. L'imène, il est cité, mais il n'est pas aussi complet. Thumma qal, قال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit je crois au qadar en son bien en son mal en ce qui est plaisant ou déplaisant par rapport à ce qadar. Ça revient au hadith précédent. Tu'minu al-qadar khayri wa sharri. Wa min du'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam allazi 'allamahu al-Hasan ibn Ali yad'u bihi fi qunut al-witr wa qini shar ma qadait. طيب wa qini shar ma qadait. Comme le fait dans le qunut dans le witr. Et ça dans les adillah qui disent que ce qunut ma thabata illa fi Ramadan. À la qoul. Cette doua, tu le fais pendant Ramadan. C'est-à-dire, préserve-moi du mal que tu as décrété. Donc le char, il est dans quoi? Dans le décret, pas pour Allah. Bikhilafina, nahnu nakul, na'ouzu billah min shururi anfusina, wa min siyati a'malina. Qu'on recherche refuge d'Allah contre le mal de nos âmes. Là, char maqadait. Tayyib, char maqadait. Le mal du décret. Et non pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le mal, la yunsa bilallah. Ashar, laysa min sifati abadan. Laysa min sifati abadan. Thumma qal, wa la naj'alu qada Allah wa qadarahu hujjatan lana fi tark awamirihi wa ijtinab nawahi. بل يجب ان نؤمن ونعلم ان لليل حجه علينا بانزال الكتب وبعثه الرسل. Donc nous ne se sert pas du qadar justement, du qada, pour justifier le délaissement des obligations ou d'avoir accompli les interdits. Tamam, mais nous obliger de croire, et on sait que Allah a donné la preuve. Et cela comment? Binzal kutub, en faisant descendre les livres. Et en envoyant les messagers. Comme a dit Azza wa Jal, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدِ الرَّسُولِ. Pour que les gens n'aient aucun argument sur Allah après l'envoyer des messagers. Après l'envoi des messagers. Enfin. Donc, كُلُّ هَذِيَ شَيْهَ حُجَّةَ عَلَيْنَا. On ne peut pas prétexter, comme certains le font, hein, que le qadar, comme on a expliqué. Le fait de justifier par le qadar, ça c'est une hujja qui est mardouda. Comme a dit certains mushrikins, walau sha'a Allah ma sharakna nahnu wala abana wa ma abada min dunihi min shay. Ils ont dit que si Allah avait voulu, on n'aurait pas fait de shirk à kaza à kaza. On dit Allah, il ne voulait pas que tu fasses cela à la base. Même, c'est toi qui as voulu le faire. Et Cheikh Othaymin, le bon exemple qu'il a donné de ceux qui justifient du qadar pour faire le mal, tu dis bah, cette personne-là, tu lui fais un mal à elle dans ses biens. Et si jamais tu demandes pourquoi tu fais ça, tu dis c'est Allah il a qadar pour que je fasse ça. Il ne va pas accepter. Il dit qu'en est-il du droit d'Allah dans sa religion? Et ça, c'est l'un des plus grands arguments que j'ai pu lire pour contester, pour démontrer l'erreur de ceux qui pensent comme ça. Allah il a voulu que je fasse zina, kaza kaza. Par contre, on l'a dit il y a un moment où c'est permis. Tu te rappelles? Mata. Il y a juste un tartej bil qadar, à la chey. Une marsiya que tu as fait. À quel moment tu as droit? C'est-à-dire, c'est une chose qu'Allah a qadar sur moi. Comme l'a fait Adam avec Moussa, alayhi salam. À quel moment? Akhazna fi tadmouliya. Ba'la tawba. Il dit, waqata fi ma'hzour, wa tubta minhu. Fahina idhin, yajouz lak, an takul, anna hadha shay, qadarahu Allah alayk. Mais ça, c'est après la tawba, quand t'as regretté ce que tu as fait. Ama, t'es dessus, tu persistes. Quelqu'un est là, il boit de l'alcool, il est ivre, tu lui dis il ne faut pas boire, t'as qu'il est là, il dit Allah, shaykh adallahu alayyana, kun khammaran. Tu dis là, tu dis Adal, laisse le bihujja. Tu dois arrêter ce que tu fais. Car si tu sais qu'Allah fait le qadar, tu sais aussi qu'Allah interdit le khamr. Donc pourquoi tu choisis celui-là et pas celui-là? Et toi, tu es le libre arbitre. Al-irada, l'insan il est en lui. L'imman shay'a minkum min yastaqim, comme a dit Azza wa Jal. وقال عز وجل ومنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. Parmi vous, il y en a qui veulent la dunya et parmi vous, il y en a qui veulent l'akhira. Ça veut dire l'insan, l'irada, elle est mojouda. Il a le libre arbitre. En lui, il a ce désir de choisir. Ou plutôt cette capacité de choisir. Et raddan al-aman ala al-jibriya. Les jibriya, cette secte qui disent que le mu'min, le abd, il est contraint. Il est comme une plume au gré du vent. tout ce qu'il fait, il ne le fait pas de lui-même. Mais cela dit l'ayat, tarud alayhim. Donc, il n'y a pas une personne, lorsqu'elle fait une chose, qu'elle ne sent pas qu'elle le fasse d'elle-même. Il y a une différence entre ce que tu fais de toi-même et ce qui t'arrive malgré toi. Mais ça l'aide quelqu'un qui saute. Il y a un trou, il saute au-dessus du trou pour arriver de l'autre côté. Il se rend compte qu'il saute. Donc, quelqu'un qui marche, qui tombe dans le trou. Il se rend compte que la chute, elle a lieu malgré lui. Il y a une différence. Donc, ces gens-là, on dit, quand tu fais un acte, tu sens quoi? Que tu fais de toi-même ou que, comme si toi, tu ne veux pas le faire et ton corps, il bouge tout seul ou je ne sais pas. Tu vois, c'est pas un truc qui est marcoul. Donc, ça, c'est un col et le baratil. C'est un col et le baratil. Donc, à Zalik, les Qadariya qui, eux, disent que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne connaît pas les choses si ce n'est avant, si ce n'est après leur qu'elle n'ait eu lieu. Donc, tous les hadiths qu'on a cités, même tarud ala zalika wa kufr, ça veut dire qu'il y a du jahl fihi isbat al jahl lillah wa hadha abadan Allah wal alim inna Allah bi kulli shay'in alim, Allah est savant, omniscient de toutes choses. Donc cela inclut quoi? Même les choses du futur. Car on a dit cette sifat, quand une sifat elle est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala, tu'khaz ala wajh al kamal, la perfection, et elle inclut toutes choses. Fa haula kuffar. Et c'est cela dont sont venus se plaindre ces tabi'in à Ibn Omar, les Akafar, les a rendus mécréants. Donc les actes, ils sont attribués à celui qui les a commis. Quand quelqu'un commet une chose, il dit pas c'est le qadar. Tes actes, sinon ça veut dire que Allah il sera injuste. Il y a Nahu Kal, Aza Wajel, Elium Tujuzek Ulnefsin Ma Kasabat. Ou Bima Kasabat. Elium Tujuzek Ulnefsin Bima Kasabat. Aujourd'hui, chaque âme sera rétribuée en fonction de ce qu'elle a accompli. Donc cela revient à qui? Au nefs, à la personne en elle-même. Fouma Kal al-Mu'allif. Encore Allah Ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Qu'Allah n'impose pas à une âme ce qu'elle ne peut supporter. Ça, c'est raddan à ceux qui disent que, justement, qui suivent du qadar pour prétexter ce qu'ils ont fait. Wa qala azza wa jal, fattakullah mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Wa qala ta'ala, al-yum tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yum. Qu'aujourd'hui, chaque âme se sera rétribuée pour ce qu'elle aura accompli, et nulle injustice aujourd'hui. Donc toi, tu seras quand même jugé pour tes actes que tu auras fait délibérément, bien évidemment. La khata, elle est le ma'fou. Hein. Ce que tu auras fait par ignorance, et une ignorance bien sûr qui est légiférée, qui est excusée, pas n'importe quelle ignorance, celle où tu n'as pas pu savoir, tu n'as pas le moyen de savoir, et non pas l'ignorance que tu t'es fait toi-même en te détournant. Ou les choses que tu auras fait indélibérément, cela te sera excusé en soi. Maintenant, s'il y a le droit des gens qui sera compris dedans, il faudra que tu le rendes. Bien évidemment, ça on a déjà parlé dans le Usul al-Fiqh. Qala fadalla ala an al-abd lil-abd fi'lan wa kasban yujda ala husnihi bis-thawab wa ala sayyihi bil-iqab wa waqi'un bi qada'i Allah wa qadarihi. Donc cela, toutes ces preuves te démontrent que le abd, il a des actes, des choses qu'il accomplit, pour lesquelles il sera jugé. Ce qui est bon, il en aura la récompense, et ce qui est mauvais, mérite le châtiment. Et tout cela a lieu par le qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Maintenant, beaucoup se demandent comment on peut lier entre entre le fait que Allah ne veuille pas de nous certaines choses et que les qadars qu'on les fasse. Donc déjà on a expliqué que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une chose dans son royaume qui n'ait lieu sans que c'est lui qui l'ait créé. D'accord? Il a créé toutes choses. Inna Allah khalaqa kulli shay. On a expliqué les maratib du l'iman. On a dit awalan al-ilm, que là il a su. Thumma al-kitaba, qu'il l'a écrit. Thumma al-mashi'a, qu'il a voulu. Thumma al-khalq, qu'il l'a fait, qu'il l'a créé. Et Allah t'a créé toi et tes actes. Tous les actes que tu commets, c'est Allah qui les a créés. Comme a dit Azza wa Jal, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé, vous, et ce que vous faites. Donc ton acte que tu vas faire en lui-même, c'est une chose qu'Allah a créée. Tu ne pourras pas faire un acte, quand même, sinon ça voudrait dire qu'il y a deux créateurs, ou d'autres créateurs en dehors d'Allah. Toute chose est créée, même un acte, même une pensée, même un sentiment, tout ça c'est la création. Donc forcément Allah l'a créé. Et il n'a créé que ce qu'il a voulu. Il n'a créé que ce qu'il a voulu. Tout comme il a créé en l'être humain un libre arbitre. Que s'il veut, il fait cette chose-là. Et s'il ne veut pas, il ne la fait pas. Mais cela a lieu quand ? Que Allah l'ait voulu ou lui aussi avant. Parce qu'il n'y a pas une chose qui est dans son royaume sans que lui-même l'ait accepté. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, هُنَا يَلْنُقْتَ الْمُهِمَّةِ تَتَعَلَقْ بِي الْمَشِيَةَ وَالْإِرَادَةَ الْمَشِيَةَ وَالْإِرَادَةَ الْإِرَادَةَ, le fait que Allah veuille une chose, celle-ci se divise en deux. عندنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. إرادة الكونية, c'est une chose qui a lieu que Allah n'est pas obligé d'aimer et qui a forcément lieu. D'accord ? Une chose que Allah n'aime pas forcément, mais par contre, elle a forcément lieu. Comme tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est lié à la création. Quand même. Comme acte qui se passe, comme choses qui sont liées même à la nature, tout ça, ça rentre dans l'irada al-kawniyya. Parmi elles, des choses que Allah il aime et d'autres qu'il n'aime pas. Mais elles ont lieu. Obligatoirement. Et l'autre irada, c'est al-shad'iyya. Ce sont des choses que Allah il aime. Il n'y a que ceux qu'il aime. Cependant, cela n'inclut pas qu'elles ont forcément lieu. Ces choses-là n'ont pas forcément lieu. Mathalan, l'islam. Al-salat. Sha'arir al-din. Les emblèmes de la religion. Toutes ces choses-là, Allah, il les veut. Il aime cela. Maintenant, est-ce qu'elles ont Dieu ? Est-ce que tout le monde adore Allah subhanahu wa ta'ala sur terre ? Allah, il veut la ta'a, l'obéissance. Est-ce que tout le monde lui obéit ? Allah, il veut qu'on fasse salat. Est-ce qu'on fait tous salat ? Même parmi les musulmans. Il parle de ceux qui font salat de temps en temps et qui arrêtent. Celui qui ne l'a fait jamais, lui, c'est un kafir. Mais des fois, quelqu'un qui le fait, après, il arrête. Mathalan. Il y en a des gens comme ça, ou pas ? Il y en a beaucoup même. Est-ce qu'Allah, il veut cela ? Il ne veut pas cela. Donc ça. Ça rentre dans l'irada shad'iyya. C'est-à-dire que Allah forcément, il aime que tu fasses cette chose-là, c'est-à-dire dans ce qu'il a ordonné, ou qu'il n'aime pas que tu fasses cette chose-là, dans ce qu'il a interdit. Mais cette chose-là n'a pas forcément lieu. Par contre, la kawniyya, elle a forcément lieu. Elle a forcément lieu. Et cette irada kawniyya, c'est la même qu'elle mashi'a. Lorsqu'on dit Allah sha, masalan, c'est, ça revient. La mashi'a, c'est en français, c'est la même traduction. Mashi'a irada, c'est la volonté, c'est nefs kalima. Cependant, la mashi'a, elle a forcément lieu. Masha'Allah ou kan, wa ma lam yasha, lam yakun. Ce que Allah, il a voulu dans le sens de mashi'a, ça a lieu. Et ce qu'il n'a pas voulu, n'a pas lieu. Et cette mashi'a, c'est la même chose que l'irada al-kawniyya. C'est la même chose. Par contre, la Mashi'a, il n'y a pas de sharia dedans. Il n'y a pas de catégorie, il y en a une seule. Mashi'a, il n'y en a qu'une seule, contrairement à l'irada. Khilafan li mazhaba ilayhi ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il s'est trompé ibn Kathir. Il a dit que Mashi'a, elle est comme l'irada, il y en a qu'une seule. Ça, ça khalif, Adillah, et ça khalif tout le bab du Qadar. Les ulamas, ils ont dit, il a eu tort là-dessus. Il n'y a que lui qu'on connaisse qui a dit cela. Que Mashi'a, Kazalik, il a dit qu'il Mashi'a Shari'a ou une Mashi'a Kouniya. On dit là, Masha'Allah kan, wa lam yasha, lam yakun. Ce qu'il a voulu a forcément lieu. Et ce qu'il n'a pas voulu, dans le sens de Mashi'a, n'a pas lieu. Par contre, Irada, yuridullahu bikumul yusr, wa la yuridullahu bikumul usr. Il veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Est-ce que tout était facile, tout ce qu'on fait c'est facile? Là, pourtant il veut ça pour nous, Allah. Il le veut, il a bien dit. La là, c'est irada. Et là, c'est irada mada shad'iyya. Amal mashi'a, si Allah yasha shay, yakun. C'est obligatoirement. Ça, forcément, ça a lieu obligatoirement. Donc là, beaucoup se sont trompés à cet endroit-là. Ils ont dit, pourquoi Allah, il n'aime pas ça et il me contente de faire cela? Fahimta hada? Naam. Donc ça, c'est ce qu'on a pris par rapport au Qadar aujourd'hui. On avait déjà pris ce bébé auparavant, alhamdoulilah. Face à Naktafi. Et au pire, quelqu'un, il n'a pas compris. Le problème du Qadar, c'est que les gens se posent trop de questions. Ils ne savent pas s'arrêter un moment. Comme on l'a dit au début, taslim l'adillah. Tu te tiens au adillah. Rends pas ton aql. Ton aql, ça le dépasse. D'accord? Et ça, c'est du kibr en même temps. On dit, mais pourquoi? Je le dis tout à chaque fois que la personne... Sache qu'elle est limitée, elle ne connaît pas tout. Et qu'Allah t'a donné une raison, mais cette raison-là n'est pas là pour que tu tiennes toute chose. Parce qu'Allah, il a voulu sûrement pas. Ça te dépasse. Voilà, yuhidu nabi ilma. Il ne faut l'atteindre pas en science. Il y a des choses qu'Allah, il a faites, tu ne pourras pas comprendre. En toi-même, des choses que tu n'arrives pas à comprendre dans la création. Les choses de tous les jours. Tu n'arrives pas à cerner. Que dire du Qadar? Donc, à un moment, il faut savoir s'arrêter. Tu vas dire, khalas, je crois au Qadar, j'ai la adillah. Sahiha, quand même. Et je sais que je sens en moi que j'ai un libre arbitre dans ce que je fais. Je sais ce que Allah il veut de moi, ce qu'il ne veut pas de moi. J'agis. C'est tout. J'agis. Akada. Fahimta hada? Fa ila huna wa alhamdu rabbil alamin.